si vous êtes en bagnole. Il est tard, la nuit est chaude, vous êtes dans un club enfumé, le coude au comptoir. Au fond, entre deux volutes de fumée, vous distinguez une brune aux formes inspirantes qui ondule le long du pied du micro. Vous êtes bien, vous écoutez audioblog.fr. Elle s'appelle Cathy Moore, son groupe Sunset Room et la chanson Smoke. Ce fichier audio parle principalement de musique et de son, et surtout d'une émission assez super à laquelle j'ai été invité ce week-end. L'émission c'est System Disc sur France Inter, qui est animée par Vali, qui fait ce qui lui plaît, mais le fait plutôt bien, et pendant cette émission il s'est dit des trucs extrêmement intéressants. L'émission est en ligne sur le site de Radio France. Vous trouverez l'adresse dans la liste de liens qui accompagne cette note audio, mais pendant une semaine seulement. Donc j'en ai extrait les passages les plus importants pour les joindre à ce fichier. Et ce fichier, vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous voulez. Avant ça, une petite news concernant les baladeurs et la Corée. La Corée, c'est un pays où les industriels se lancent à l'assaut des marchés en criant. Il n'y a qu'à voir Samsung qui est en train de devenir le nouvel épouvantail, ils sont partout. Mais il n'y a pas que Samsung en Corée, il y a aussi Raincom qui fabrique des baladeurs sous la marque iRiver. Et iRiver, face aux iPods, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent tellement pas que même chez eux en Corée, les gens achètent des iPods et la réaction de Raincom a été très ferme. Dans un premier temps, ils ont déclaré à l'équipe d'envoyés spéciaux que nous avons dépêché sur place. Bond. James Bond. Mais bon, ça, dans la bouche d'un Coréen, ça pouvait pas marcher. Vous imaginez bien. Alors, il y a eu une deuxième contre-attaque. Et ça, ça n'a pas marché non plus. Alors, Raincom a décidé de sortir l'arme lourde. Le 1er mars, c'était la fête de l'indépendance de la Corée du Sud. Et donc, Raincom a passé une pub dans les journaux locaux sur fond de drapeau coréen. Laquelle pub dit ça ? Est-ce que crier Mansai le torse nu va faire de la Corée un pays indépendant ? Les firmes américaines sont en train de phagocyter la majorité du marché des lecteurs MP3 à disque dur. En tant qu'État souverain, nous ne pouvons rester assis et les regarder faire. Après avoir passé un nombre incalculable de nuits dans nos labos de recherche, nous avons finalement donné le jour à un fils précieux à destination du marché mondial. Il y aura des difficultés, mais nous n'avons pas peur. Nous sommes les descendants de martyrs qui ont bravé les obus et les épées pour gagner leur indépendance au cri de « Mansai !» Vous savez quoi, c'est même pas une blague, Raincom a réellement passé cette pub dans les journaux coréens le jour de l'indépendance sur fond de drapeau national. C'est marrant, non, d'acheter un baladeur coréen comme acte patriotique, fallait y penser d'autant plus que faire ça pour lutter contre l'hégémonie américaine, je suis pas sûr que ça soit la meilleure stratégie vu que les iPods, comme les autres baladeurs d'ailleurs, sont faits en Chine ou à Taïwan. Enfin bon, chacun son truc. Hein. Passe à System Disc, qui est donc une émission de Vali diffusée le samedi de 17 à 18h sur France Inter. Ce samedi, il y avait votre serviteur, Sylvain Gire d'Arte Radio et Marc Ferry d'AOL Radio. Je vais pas refaire l'émission, juste vous proposer quelques extraits qui parlent d'eux-mêmes. quotidien Libération a découvert lundi dernier le point de vue du président de l'Union syndicale des magistrats, Dominique Barella, sur le peer-to-peer. Il dit qu'il faut le dépénaliser. Je lui ai téléphoné cette semaine et je lui ai demandé pourquoi il était de cet avis. C'est qu'il y a dans notre pays des enjeux majeurs en matière pénale. Les problèmes de trafic des êtres humains, les problèmes de blanchiment d'argent dans certaines régions, les difficultés liées aux mafias des stupéfiants. Est-ce que l'on croit vraiment que l'enjeu majeur en matière pénale, je parle bien en matière pénale, de notre société, c'est de pénaliser l'ensemble de la jeunesse française qui va écouter ou se passer d'un iPod à un ordinateur des morceaux de musique au format MP3. C'est quand même pas très très sérieux. Quand une infraction devient trop massivement commise, on se rend compte qu'il y a un problème qui n'est pas simplement un problème pénal, c'est un problème social, voire économique. En l'espèce, le problème économique, on le connaît. C'est une vente des CD de musique à des prix totalement prohibitifs et puis une possibilité de téléchargement payant à 1 euro le morceau. C'est impossible pour des jeunes de remplir une clé USB ou un dispositif MP3 à un tarif pareil. On demande à des jeunes de copier à hauteur d'un montant de à peu près 10 000 euros. Aucun jeune ne dispose de 10 000 euros. Donc on a un problème qui est d'abord économique et que l'on veut traiter par la voie pénale sans avoir un effet économique suffisant. Et on encombre bien entendu les services de police et de justice qui ont autre chose à faire que courir après des jeunes qui enregistrent des morceaux de musique. Et de toute façon, ne nous faisons pas d'illusions. Le jour où on systématise des poursuites, c'est l'ensemble des enfants et des petits-enfants des adultes français qui seront poursuivis. Ça n'a absolument aucun sens, cette espèce de terreur par la poursuite pénale. Ça ne correspond pas à l'enjeu économique, ça ne correspond pas à l'enjeu social. Honnêtement, je crois qu'il est quand même plus agréable dans une société de voir des jeunes qui aiment la musique, qui se cultivent, qui ont cette forme de gaieté et qui, après tout, ne créent pas de dégâts dans la société que de voir des jeunes qui errent dans les rues, qui s'ennuient et qui pratiquent des agressions. Il doit y avoir dans les poursuites pénales, dans la création d'un code pénal, des priorités. Or, notre pays est le recordman d'Europe des infractions pénales potentielles, puisque nous avons, selon le casier judiciaire national, potentiellement plus de 10 000, voire plus de 13 000 infractions enregistrées potentiellement. Je parle de 13 000 infractions qui peuvent être commises, je ne vous parle pas d'infractions commises. C'est insensé. Cela veut dire que nous pénalisons n'importe quoi dans notre société. Il y a des choses qui doivent se régler par d'autres façons qu'en menaçant les uns ou les autres de peines de prison. Il faut se mobiliser sur ce qui est important dans une société. Franchement, les émois des patrons de majors ou des états-majors de majors, qui d'ailleurs pour la plupart viennent d'HEC ou d'ailleurs de grandes écoles de commerce et qui ont fait de la petite copie avec leur magnétophone à l'époque, m'indiffèrent. Je pense que c'est oublié qu'il y a des générations et provoquer une fracture générationnelle en utilisant le droit pénal me paraît irresponsable et très dangereux. Luc Saint-Élie, un audioblog, c'est encore autre chose qu'une web radio. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un petit peu au milieu de ce qui a été présenté. L'idée est que aujourd'hui, avec l'ADSL d'un côté, et donc les problèmes de débit disparaissant, et la diffusion à une très très large échelle, j'en bafouille, des baladeurs, et au-delà des baladeurs, de la fonction de lecture MP3, parce que les baladeurs, on peut considérer que c'est un effet de mode, mais on va commencer à voir ça dans des téléphones, dans les petits PDA, maintenant aussi lisent les fichiers MP3. Le fait de pouvoir diffuser des fichiers son prend du sens, parce que le son sur Internet, ça existe depuis peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Sauf qu'avant, on pouvait pas l'entendre parce que connecté par modem, il n'y avait pas assez de débit. Et ensuite, pour l'écouter devant un PC, c'est un intérêt moyen parce que normalement, un PC, c'est un petit travail. C'est pas très convivial. Enfin, on regarde, on est devant assis. C'est pas. Alors que les fichiers MP3 qui peuvent circuler, eux peuvent s'écouter en voiture, dans le métro, etc., etc. Et donc, du coup. Il y a une idée qui prend du sens et qui est intéressante, c'est qu'on peut créer de véritables objets. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ça veut pas dire que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaye de faire. De véritables objets indépendants, un peu comme un photographe essaierait de créer une image ou un sculpteur ou une sculpture, qui sont ensuite balancés comme ça, à disposition des gens qui peuvent les récupérer et les glisser entre Britney Spears et je suis pas tellement la musique de jeunes, mais le dernier groupe de rap à la mode. Ils peuvent écouter ça dans leur salon, dans leur voiture, dans leur salle de bain. Voilà. Les audioblogs tiennent maintenant le rôle de quelque chose qui a malheureusement disparu, tué entre autres par les majors de l'industrie du disque, qui était le disquaire de quartier, le gars qui te conseille. Le problème, c'est quand vous allez dans une grande enseigne de vente de disques actuellement, il n'y a plus rien. Parce qu'on a décidé qu'on allait vous vendre des DVD et parce que la tactique de l'industrie du disque, c'est de vendre un artiste à tout le monde la même semaine. Et c'est aussi d'ailleurs, entre parenthèses, excusez-moi, la tactique des médias. C'est-à-dire qu'on va mettre le paquet sur le même bonhomme pendant 2 mois et il est en pile dans les rayonnages des hypermarchés de la culture. C'est tout. À partir du moment où on trouve plus aucune référence, parce qu'on ne trouve plus une référence, un disque qui est sorti il y a 3 mois, il a pratiquement disparu des rayons, et je parle pas des chefs-d'œuvre de la musique, qui des années 60 par exemple, qui vont être très difficiles à trouver, sauf dans le cas d'une réédition de luxe à 2 CD à 35 €. Donc voilà, Internet vient aussi tout simplement combler ce vide. Voilà l'enregistrement complet de l'émission sur le site de France Inter, à la page de l'émission Système Disque. C'est tout pour aujourd'hui. On se quitte avec le groupe qu'on entend actuellement qui s'appelle Groovatron. C'est un groupe de l'Indiana. La chanson s'appelle Hey. Et comme d'habitude, si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, vous faites le 08 70 73 20 28 la journée et vous laissez un message à mon répondeur. Salut.